cœur et je compte y rester. Tu circules dans mes veines, il faut y rester. Laisse-moi t'emmener sur la luna. Ce soir on se bat et ça sera pas de l'UFC. T'es la reine de Monaco et tes désirs sont des ordres. Je dois réparer ton cœur, ton ex t'a laissé en désordre. Ton sourire c'est mon combat. J'aimerais être en legging pour être entouré par tes forces. Je t'habillerai en Chanel, pour toi j'ai les contacts. Je t'ose pas, t'auras la bagatica. Sous palmier, sous cocktail, bébé fais la grimace. T'inquiète pas, tu sais pour toi j'ai cadre. T'es la reine de Monaco, go, go, go. La reine de Monaco, go, go. C'est toi la reine de Monaco, go, go, go. La reine de Monaco, go, go, go. J'ai trouvé la reine que j'ai longtemps cherchée. Laisse-moi t'aimer en excès. Je veux te passer la bague, c'est pour ça que je suis pressée. Nakupenda ma lady, reine de Monaco, tu m'as chicoté. Maintenant que t'es là, je peux plus déconner. Tu m'as donné des ailes, on va décoller. Je te le redis, Nakupenda baby. Je t'habillerai en Chanel, pour toi j'ai les contacts. Je t'ose pas, t'auras la bague à Chica. Sous palme, sous cocktail, bébé fais la grimace. T'inquiète pas, tu sais pour toi j'ai cadre. T'es la reine de Monaco, go, go, go. La reine de Monaco.